Patients people use for why they can't stop eating meat or why they can't stop depending on the exploitation of animals is actually, it's just an excuse, because actually if you really look for it, there's a lot of alternatives, quite. Unfortunately, a lot of the wild land has been destroyed for agriculture and for exploitation of animals as well. So the world is a lot poorer in these wild resources than before. But still, you can find very much sustenance in the wild as well. So, ça va? Yeah. Okay. So maintenant. Musique. Ouais, musique. Ben, si. En petite tune. Quand même, un petit son histoire de se reposer un petit peu le cerveau, ça fait du bien aussi. Et ben, on va s'enchaîner avec True Nature. C'est un groupe vegan straight edge. Alors, petite définition speed du straight edge, ça fait jamais de mal. En fait, c'est un mouvement qui est né aux États-Unis dans les années 80. Donc, en fait, c'était refuser le côté autodestructeur du punk, en fait. Et garder en fait le côté de l'énergie positive de la musique, de cette culture, mais sans les drogues, sans aussi le fait de consommer les gens au niveau relationnel, quoi. Et donc en fait, il faut savoir que le végétarisme puis le véganisme, en fait, c'est vite intégré dans cette culture-là. Et on parle maintenant plutôt de vegan straight edge, donc voilà, en tant que mouvement. Et Vegan Edge aussi, il y en a qui disent, voilà. Donc convergence entre deux dynamiques assez intéressantes. Donc le groupe, c'est True Nature, et le titre s'appelle Passion for Freedom. Voilà, son nom est assez clair, je pense. Here's a third song, and it's from a group called True Nature and Passion for Freedom. And what he was saying before, describing a bit the straight edge movement, is like that it comes from the punk movement, but that they kind of refuse the self-destructive or the side that is destructive about the punk music, but that they kind of still like the music, but that it's more about now being about drug-free and taking care of each other and oneself, and yeah. And they integrated vegan. The veganism into their practice too.